On va parler de boxe. C'est le deuxième affrontement entre Aldea Alvarez et Sergey Kovalev qui aura lieu samedi soir au Texas. Question d'en savoir davantage. Bon, on rejoint notre collaborateur Bernard Barry. Salut Bernard. Salut Danny. Bernard, écoute, c'est un affrontement qu'on attendait tous depuis qu'Aldea Alvarez a remporté la victoire contre Sergey Kovalev, a passé le chaos à Sergey Kovalev. Moi, ce que j'ai hâte de voir dimanche, samedi soir plutôt, c'est de voir l'énergie de Kovalev. On sait que c'est pas compliqué, là, jouer contre... Et Marc Ramsey l'avait très bien cerné, Sergey Kovalev, c'est que si t'es capable de passer la première moitié du combat par la suite, il devrait pas trop y avoir de problème. J'ai hâte de voir si on a réussi du côté du clan Kovalev à améliorer cette énergie-là. Là. Effectivement, on a sûrement travaillé beaucoup sur la préparation physique parce que dans le fond, André Ward, c'est lui qui avait montré un peu la recette à son deuxième combat quand il a cassé Kovalev avec des coups au corps. Et puis après ça, au début de la deuxième partie du combat, ben là, à ce moment-là, il l'a arrêté. Donc, c'est un peu ça. On a senti tout de suite, de par les recommandations de Marc Ramsey pendant le combat, que rendu au milieu du combat, ben quand il a dit tu y vas, tu passes à l'offensive, tu mets ton adversaire sur les talons, et on sait qu'un gars comme Kovalev, dans toute sa carrière de boxe, autant amateur que chez les professionnels, c'est un gars qui a vraiment bien boxé sur les talons. Donc, à ce moment-là, tu le mets mal à l'aise. Et le fait que là, les pieds se sont rapprochés, bien, sur la première chute au tapis, bien, il s'est fait atteindre durement. Il se retrouve au tapis. Et là, par la suite, bien, il était ébranlé. Et avec la conclusion que Alvarez a causé une des grandes surprises sur la scène internationale l'an passé. Et là, maintenant, on veut s'assurer que, oui, c'était une surprise l'année passée, mais ça n'en sera pas une cette année. Bernard, j'écoutais Jean-Pascal cette semaine aux amateurs de sport avec Mario Langlois, puis Jean disait que c'est en 3-4 mois, c'est pas, tu peux pas vraiment changer la méthode d'entraînement. Est-ce que Kovalev, là-dessus, en 3-4 mois, selon toi, va être capable de jauger son niveau d'énergie? Bien là, il a changé d'entraîneur. On sait qu'il était avec un entraîneur sur Sun Platov. Et avant ça, ben il a été dans ses meilleures années, c'était avec John David Jackson. Et ça a parti, finalement, ils sont partis en mauvais termes. Et avec Tursun Pulatov, ben là, il n'y a pas le fait qu'il est arrivé ce qui est arrivé avec Alvarez. Maintenant, il est rendu avec Buddy McGirt. Buddy McGirt, ben, c'est l'ancien entraîneur d'Arturo Gatti. On l'a vu aussi dans plusieurs coins de boxeurs importants au niveau international. Je veux juste penser à Vernon Forrest, à Joel Casamayor, Michael Grant et bien d'autres. C'est un ancien grand champion. D'ailleurs, il va être intronisé au Panthéon de la Renommée cette année comme boxeur. Mais Buddy McGirt, c'est la vieille école, là. Donc, on peut pas penser qu'il va arriver un miracle là, avec un boxeur de 35 ans qui a une carrière d'une vingtaine d'années dans la boxe. Et puis là, ça va être un autre boxeur qui va arriver sur le ring au bout de 2-3 mois. Donc, on peut tenter de corriger des choses. Mais je pense que la plus grosse chose à corriger dans le cas de Kovalev, c'est sa condition physique. Parce que dans le fond, après 6 rounds, il avait gagné au moins 4 rounds. C'était au moins 4-2 pour Kovalev dans ce combat-là. Tout allait bien, là. Mais il a tombé mort, là. Il a tombé Alvarez, là, et il l'a cassé. Donc, à ce moment-là, c'est bien plus une question de condition physique qu'une question de stratégie, là, technique, puis meilleure défensive, d'essayer de changer de quoi, d'un boxeur qui se fait 20 ans qui est sur le ring. Oui, effectivement. Renan Saint-Just a écrit sur les médias sociaux, puis je veux avoir ton analyse là-dessus, puis ça a bien de l'allure selon moi. Meilleur menton, Alvarez. Meilleure défensive, Alvarez. Meilleur jab, Kovalev. Léger avantage, force de frappe, il donne l'avantage à Alvarez. Jeu de jambes égal. Boxing, le IQ, là, comme mentionne le IQ, meilleur peut-être niveau d'intelligence sur le ring. Il dit que c'est égal, puis la meilleure team, Alvarez. Es-tu d'accord avec ça? Sûrement, hein? C'est une bonne analyse. Sans aucun doute. C'est certain que ça, là, l'équipe de Marc Ramsey peut faire une grosse différence. Ils l'ont fait dans le premier combat. Et puis moi, ce que j'ai aimé de Marc Ramsey, quand il a déclaré, il a dit, nous, on se prépare pour un Kovalev amélioré. Là. On, on, se prépare, là, on c'est pas le même gars qu'on va voir sur le ring. C'est certain qu'il va avoir un autre niveau, parce que Abalev, là, il est comme un rat là, dans le coin d'un appartement là, qui est plus capable de sortir. C'est là que ça se passe, parce que là, il peut pas se permettre une autre défaite contre Alvarez, parce que là, ça sera double défaite contre Alvarez, double défaite contre Ward. À 35 ans, ça fera mal à sa carrière, surtout à son portefeuille. Donc, là, il va avoir un nouveau Kovalev, mais le fait que Mac Ramsey, justement, travaille en fonction de ça, ben, il va avoir un nouveau Alvarez aussi. D'ailleurs, Alvarez est allé passer 21 jours en haute altitude en Colombie, travailler énormément sur sa condition physique. Le danger, c'est certain qu'on peut penser que Alvarez est capable de jouer le même coup, emmener Kovalev le plus loin possible. Le danger, c'est que Kovalev, il frappe, il y a de la roche dans le gant, surtout dans la main droite. Ouais. Et puis ça peut être dangereux, ça. Avec un cogneur comme ça, il suffit juste d'un mauvais coup, puis bang, et tout le château de cartes s'écroule. Donc, il va falloir qu'absolument Alvarez soit extrêmement prudent en début de combat avant de penser de mettre Kovalev sur l'équitalon. Donc, plus longtemps que le combat va durer, meilleures les chances d'Alvarez vont être. OK. C'est un peu comme le premier combat, en fait, là. Dis-moi, donc Alvarez, le niveau de motivation est encore plus fort, j'imagine, parce qu'il sait que ce qui l'attend, là, c'est devenir champion, c'est une chose, mais conserver, c'est une autre chose, là, surtout dans un combat revanche comme ça. Sans aucun doute, Alvarez, écoute, il a été reçu là, dans son pays là, par le président, il devient une grande vedette, là, toute sa vie économique est en train de changer. Bon, il a tout le temps parlé, « Ah, j'aimerais ça faire bâtir une maison en Colombie à ma femme, à ma fille, bon, etc. » Mais là, ça, il va pouvoir acheter la rue au complet, là. Avec une victoire sur Kovalev, mais là, les portes vont s'ouvrir et tous les autres combats, il y a un contrat qui roule avec ESPN qui prend énormément de place actuellement dans la boxe professionnelle. Donc, il peut partir sur une rente un peu de combat millionnaire qui changerait sa vie à jamais, là. Donc, il peut pas, c'est certain que lui, il veut pas l'échapper. Tous les efforts ont été faits en fonction de répéter son exploit du premier combat contre Kovalev pour justement, il est rendu en haut de la montagne. Il faut bien qu'il reste un bout avant de tomber en bas. Là. Effectivement. Donc, tu vas avec quoi? Tu vas avec une victoire d'Alvarez? Ouais, moi, je pense qu'Alvarez va gagner avant la limite, mais plus tard dans le combat. J'ai l'impression que ça va aller vers le 10e ou 11e round. On va se rendre assez loin, là, d'après moi. Là. OK. Les histoires de poursuites qu'Alvarez est actuellement devra se défendre, est-ce que ça pourrait nuire à Alvarez ou pense pas? Pas Alvarez, mais Kovalev, je veux dire. Kovalev, je veux dire. Oui, les poursuites, c'est certain. Écoute, ça joue dans le cerveau, là. Ouais, hein. De savoir que tu as ça, là, tu sais, qui. Ça vient de sortir, puis bon, ça s'est passé au mois de juin, puis là, c'est sorti publiquement, il y a les photos de la madame. Mettons que c'est on peut c'est pas l'accuser l'idéal, parce que dans le fond, ça n'a pas été prouvé, mais mettons que ça ne regarde pas bien. Et puis, c'est sûr que quand il t'arrive des choses comme ça, tu dors pas mal moins bien, là, parce que tu as des comptes à rendre dans des situations comme ça, à ta femme, à ta famille, à ton entourage. Là, moi, j'y souhaite que ça soit pas vrai, mais là, ça regarde pas bien, là. Ça regarde vraiment pas bien, là. Oui, effectivement. Bernard, Cathy Duva également, Réjean Tremblay qui voit ce matin que c'est pour elle, ça passe ou ça casse, parce que elle, c'était une grande dame de la boxe également. C'est une femme qu'on a entendu parler comme promoteuse. Dans le temps de Al Heyman également, quand PBC est arrivé, c'était Cathy Duva contre PBC. Là, Réjean Tremblay dit que son univers pourrait s'écrouler samedi soir dans une défaite de Kovalev. C'est des décennies, le main event, là, c'est Lou Duva qui était à la base de ça, qui était un des plus grands entraîneurs au monde pendant des années. Là. Et là, bien entendu, elle, ça c'était son beau-père. Et là, maintenant, c'est elle qui tient les rênes de cet empire-là, qui en est plus un, finalement, qui s'est effrité au fil des années. Et là, Kovalev est pas mal le seul qui peut sauver la compagnie. Fait que c'est sûr que pour Cathy Duva, qui est une grande dame de la boxe, qu'on a vu sur les rings depuis des années et des années, mais là, à ce moment-là, elle peut être confinée au garde-robe avant longtemps. Là. Et ça, personne ne veut ça. Là. C'est tellement fragile, le monde de la boxe. Mais effectivement, si s'il y avait une victoire solide de Alvarez, ben là, à ce moment-là, Kovalev, il serait relégué aux ligues mineures presque. Et à ce moment-là, Cathy Douva, là, elle, si Kovalev s'en va dans les ligues mineures, ben que le Cathy Douva, elle s'en va dans l'ombre. Là. OK. Bernard, je veux te parler du combat qui est survenu samedi également, samedi passé, Clavin contre Mathieu Germain. On dit que c'est le combat de l'année. Je ne l'ai pas vu. Est-ce que c'est vrai? C'est vraiment un combat de l'année? Beaucoup, beaucoup d'action, très partagé, des moments explosifs. Quand on arrive à la fin d'un combat où là, on ne sait pas trop qui a gagné. Là. Mm. On n'ose pas trop s'avancer. Là, ça prouve à quel point le combat était de qualité. Et il y a eu comme des vagues d'un côté comme de l'autre. Et finalement, la décision, je pense, de combat nul était bien méritée. Ce qui va mettre la table probablement à une revanche que tout le monde va vouloir revoir. Parce que c'était un combat là, très, très spectaculaire, intéressant. Et il n'y a personne qui est parti du casino malheureux. Là. OK. Est-ce que Clavin, on peut dire que c'est un boxeur sous-évalué? Oui. Écoute, c'est un dur de dur. Là. Ouais. C'est parce que, de par son style, lui, c'est un gars qui va à la guerre. Là. Il est fort physiquement, puis il est intense. Mais c'est pas un gars qui est très, très bon techniquement. Fait qu'on a juste à se rappeler avec son combat contre Junior Ulysse. Celui qui marqua des points, qui était sur la cible, c'était Ulysse. Celui qui fonçait, c'était Claguette. Donc, il va chercher une certaine sympathie des juges. Parce que t'as des juges, une façon de juger, t'en as, c'est les coups sur la cible, transfert de poids. Et le deuxième critère, celui qui mène le combat, là, qui force le combat. Donc, il va obliger les juges dans les combats, les rounds serrés, à lui donner le round parce que c'est lui qui a passé l'action. Donc, effectivement, on peut pas parler d'un grand champion technicien, mais on peut parler d'un gars qui est en forme puis qui vend chèrement sa peau et puis qui devient un genre de gatekeeper là, pour les autres. Ça sera jamais un champion du monde, mais lui, là, il est à la porte du top 15, top 20, top 12, puis là, à un moment donné, il faut que tu passes dessus. Puis là, il est arrivé ce qui est arrivé avec Ulysse, il est arrivé ce qui est arrivé avec Germain. Donc, il met le frein un peu à la carrière de ces gars-là. Heureusement, Ulysse, depuis ce temps-là, a remporté quelques victoires. Il a percé le top 10 mondial. Mais il demeure que Claguette, là, il est un peu tannant. Là. Il est comme une roche dans le soulier. Là. OK. En terminant, je veux te parler de Lexune Mathieu. Lexune Mathieu, c'est un jeune boxeur. La première fois que j'ai entendu parler, c'était au mois de octobre. Dans une entrevue au 91.9 à Boxing Town, le gars de Boxing Town disait que c'était le prochain Sidney Crosby parce que c'est un boxeur ambidextre qui et il a tout pour se faire aimer. C'est la prochaine grande vedette de la boxe québécoise. Je te parle québécois, là. Et c'est une famille, je pense, également. Puis il est entraîné par François Duguay. Son premier combat, 43 secondes, il a remporté la victoire. Toi, t'en as vu, t'en as recruté. Est-ce qu'il est encore trop tôt, mais est-ce que c'est vraiment une perle, ce gars-là? C'est un bon potentiel, beaucoup de talent. C'est un jeune là vraiment dédié, puis qui est dans le gymnase, ouais. Bien encadré par le groupe à François Duguay. Mais c'est un gars qui est allé au championnat du monde junior. Mais il demeure que c'est un jeune boxeur là, qui a pas fait... Oui, t'as le champion du monde junior, mais pas fait une grande carrière amateur à se promener un peu partout avec l'équipe nationale. Donc, quand tu tournes professionnel, puis ça, c'est pas la première fois qu'on en parle, ouais. Là, Danny. Ouais. Quand tu tournes professionnel et que tu es jeune comme ça, sans une grande expérience amateur, mais là, les dangers sont plus grands. Donc, c'est sûr qu'à l'usage, bien entendu, les 10 premiers combats, ils vont être matchés là, en fonction de que ça y aille bien pour lui. Ça devrait pas être compliqué. C'est après qu'on va voir si. C'est parce que, tu sais, si t'as pas connu la misère en boxe amateur, là, la grosse misère, là, ouais. Ben, quand elle arrive chez professionnel, elle fait plus mal, pas mal. Chez les amateurs, quand elle arrive, là, t'as ton entraîneur qui peut te protéger, t'as l'arbitre, tout le monde va te protéger, tout le monde est sur ton bord. Mais en boxe professionnelle, t'as personne qui t'a protégé ou si peu. Donc, apprendre chez les professionnels, c'est très, très douloureux. Et c'est pour ça que j'hésite toujours à mettre des ceintures un peu partout là, sur ces jeunes boxeurs-là à 20 ans. Donc, c'est à l'usage. Comme je te dis, quand il aura fait un an, deux ans, 10 victoires, 12 victoires Mais là, la monnaie, quand ça va, on va jouer dans la ligue majeure un peu plus, on va être en mesure de l'évaluer. Mais le fait à la base, le talent est là. Le fait qu'il est ambidextre, c'est spectaculaire, la boxe. C'est vendeur, son style. Ça, ça peut-tu l'aider? C'est ça, écoute, ambidextre, c'est le boxeur de l'avenir. Parce que dans le fond, la boxe, il faut que tu sois capable de résoudre les problèmes de l'adversaire. Il faut que tu causes des problèmes à l'adversaire. Parce que du moment que tu es ambidextre, tu viens de doubler là, la complexité. Là. Donc, c'est certain que c'est un avantage. Mais il faut que tu sois complètement ambidextre. Autrement dit, il faut que tu sois aussi habile d'un côté comme de l'autre. Parce que tu en as des faux ambidextres qui font des tentatives, puis généralement, ça joue contre eux. Mais le boxeur parfaitement ambidextre, ben là, lui, là, il a beaucoup plus d'outils dans son sac, là, puis beaucoup plus de chances de tourner un combat à son avantage. Mais lui, il l'est aussi. De ce que tu as vu, c'est un gars qui Oui. Lui, c'est un naturel. Donc, c'est un beau talent naturel. Ouais. Ça devrait bien aller dans son cas. Mais en tout cas, lui, il va sûrement aider beaucoup à la boxe à Québec dans le moment. On sait que là, tu as Sébastien Bouchard qui est là à Québec. Il y a eu Kevin Bizier. Et puis Pierre-Olivier Côté. Tu sais, son monde dans le temps, là. Bon, mais là, on ne prendra pas jusqu'à Fernand Marcotte. Mais c'est certain que pour Québec, on a besoin de ce genre de boxeur-là, jeune, talentueux, qui éventuellement va prendre beaucoup de place. Mais comme j'ai dit, on va attendre, là. On va attendre un petit peu, là, avant de l'étamper futur champion. C'est une famille, je pense. Hein. Je pense qu'ils sont trois, si je ne m'abuse. Son père était impliqué beaucoup dans les sports de combat, pas nécessairement dans la boxe. Donc, c'est une famille de combattants. En tout cas, admettons là, que sur papier, là, ça regarde bien. OK. Maintenant, on s'en reparle bientôt quand l'actualité de la boxe va l'exiger. Bonne prédiction, Nani. Bernard Barry.